عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا مع كتابنا الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح. Donc nous sommes toujours avec notre livre الإصباح, la lumière, en montrant la voie des salaf dans l'éducation et l'islah. L'islah, c'est la façon d'arranger les choses. C'est comment donc améliorer les choses. On a vu la dernière fois al-qa'ida al-khamisa, la cinquième règle, car on a sauté cette règle-là. Donc là, on revient à al-qa'ida al-rabi'a. Donc, comme j'ai dit, on l'a oublié la dernière fois, on l'a sauté. Annahum لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. Donc les pieux prédécesseurs, rahmatullah alayhim, لا يتركون يعني فهم السلف في فهم الكتاب والسنة. شخص لا يأتي بنفسه يفهم الكتاب أو يفهم السنة وهو ترك فهم أبو بكر الصديق، وهو ترك فهم عمر، وهو ترك فهم علي بن أبي طالب، وهو ترك فهم سعيد بن المسيب من التابعين وحسن البصري وغيره من الأئمة. هذا هو المعنى، بمعنى أن الإسلام يفهم بفهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذهم إلى آخره، يعني الذين يأخذون هذا العلم بالفهم الصحيح. فيقول تعالى وهو يثني على هؤلاء السلف فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فانظروا هناك، فقال من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هؤلاء المؤمنون في وقت نزول القرآن؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين. كان هناك مؤمنون قبلنا وهم الصحابة وهم التابعين وهم أتبع التابعين الفضلاء هؤلاء، ومن صار على نهجهم إلا يوم القيامة. Donc celui qui fait scission avec l'envoyé, alors que la guidée lui a été parvenue, lui a été donc montrée clairement, et il suit autre voie que celle des croyants. Et nous, ici par rapport à ce sujet, donc c'est le témoin argumentatif, shahid, et qu'il suit autre voie que celle des croyants. Et les croyants à l'époque où ce verset est descendu, ce sont qui ? Ce sont les compagnons du prophète, les donnant Allah. C'est ça que ça veut dire. Nous allons le détourner. Nous allons le détourner là où il s'est détourné. Et nous allons bien sûr donc l'amener au Jahannam. Et c'est une mauvaise demeure. Donc c'est une mauvaise fin. Waqala ta'ala wassabiquna al-awwaluna min al-mujahid min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi-ihsan. Assabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. والمهاجرون أهل مكة من الصحابة والأنصار أهل المدينة من الصحابة والذين تبعهم بإحسان، يعني فعلوا ما فعلوه. كيف صلوا؟ فصلوا صلاتهم. كيف زكوا؟ زكوا يعني زكاتهم. كيف فهموا التوحيد؟ فهموا التوحيد كما فهموا الصحابة. هكذا هذا هو الإسلام، أن تكون مثل الصحابة في دينك. في دينك ما فعلوا افعل، ما تركوا اترك. Donc Allah montre, et il vante aussi les compagnons du prophète, ridwanallah alayhim. Et donc as-sabiqun al-awwalun. Les ceux qui ont devancé les prédécesseurs, ceux qui ont devancé as-sabiqun, ceux qui étaient en avant, al-awwalun, les premiers parmi al-muhajirin wa al-ansar, parmi les gens de Mecca et les gens de Médine. Yani min as-sahaba, parmi les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Yani fi aqidatihim, fi aqwalihim wa fi af'alihim. Dans leur façon de croire, dans leur façon de parler, dans ce qu'ils disent et aussi dans la façon de faire. Wa qala ta'ala wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. كلكم تعرفون هذه الآيات. Et vous connaissez ces versets parce que c'est les premiers versets qu'on le retrouve dans Sourate Al-Baqarah. Et lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru, كما آمن الناس فهناك شاهد. Allah عز وجل أثنى على الذين آمنوا الصحابة كما آمن الناس. إذن آمنوا كما آمن الناس، يعني كما آمن الصحابة يعني. Donc si on leur dit croyez comme ils ont cru, comme les gens ont cru, et les gens qui ont cru à l'époque où Allah descend ces versets, c'est qui? Ce sont encore une fois les compagnons du prophète radhiyallahu alayhim. Ils ont dit on va croire comme ont cru ceux qui sont sots. N'est-ce pas que ce sont eux qui sont sots plutôt? Mais ils ne le savent pas. Wa qala yaqulu Abdullah ibn Mas'ud anin nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فقال خير الناس، يعني هناك إذن مقارنة بين الناس، مقارنة بين الناس. خير الناس قرني، يعني الزماني. ثم الذين يلونهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Ou Abdallah ibn Mas'ud mentionne que le prophète صلى الله عليه وسلم dit donc les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. والناس عند قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. Et les gens à l'époque de la génération du prophète صلى الله عليه وسلم, ce sont les compagnons. Et puis ceux qui les suivent, idan at-tabi'in. Et ceux qui les suivent, idan at-tabi'in. Donc on voit qu'il y a une suite. Et ici il y a une comparaison, les meilleurs des gens. Donc il y a une suprématie. Il y a une comparaison entre certains et d'autres, les meilleurs. Donc on comprend qu'il y a des gens qui sont moins meilleurs. Les meilleurs, ce sont les compagnons du prophète. Non. Fi Aïché, fi dinillah azza wa jal. Fi dinillah azza wa jal. Dans la religion, ça, dans quoi? Dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yatiyanna ala ummati kama ata ala bani Israël, hadwa na'li bin na'l. حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية وكان في أمة من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة وتفرق أمتي على 73 كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. فانظروا إلى هذا الحديث. سيأتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمور التي ليست من الإسلام، فهم يتبعون يعني بني إسرائيل في ذلك. حذو النعل يعني با حتى بعض الناس يفعلون الفواحش العجيبة الغريبة جدا، وقد يحصل هذا عند المسلمين كما قال حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، وهذا الزنا والعياذ بالله. فمن قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تفهموا أن قد يحصل عند المسلمين بعض أشياء غريبة، فليس جميع ما يقول المسلم أو جميع ما يعتقد المسلم وجميع ما يفعل المسلم فهو جيد. ليس كونه مسلم فهو حق، ليس هذا هو، وإنما الحق باتباع الكتاب والسنة. فانظروا إلى هذه الفحشة العجيبة جدا، الغريبة جدا يعني. فكان في أمتي من يسعى ذلك. Donc il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc viendra des choses dans ma communauté, c'est-à-dire comme quoi, donc ce qui est venu à la, chez les enfants d'Israël, chez les enfants d'Israël, donc pas à pas. Donc ils les suivent pas à pas, ils font les mêmes choses. Jusqu'à ce que, hatta in kana minhum, c'est-à-dire qu'il y aura des gens parmi eux de la communauté des enfants d'Israël, celui qui va quoi? Donc qui va avoir des rapports avec sa mère, wal'iyadu billah. En public, alaniyatan. Donc en public, kanahu la yastahmi dhalik, comme s'il n'avait même pas honte de cela. Alaniyatan, c'est même pas caché. Et il y aura dans ma communauté des gens qui vont faire cela, pour montrer un petit peu l'énormité de choses que ça peut même arriver chez les musulmans. Donc c'est pas suffisant de se dire on est musulman. Donc on doit se protéger des mauvaises actions. Et après. Donc, et aussi, les enfants d'Israël se sont divisés en 72, donc sectes, millah, donc parties, sectes. Et ma communauté se divise en 313, toutes en enfer, sauf une, illa wahida. Imam kulluha tastahiqun nar. Yani ba'duha millah kafira, wa ba'duha yani millah mubtadi'a. Donc, parmi les 72 qui seront donc égarés, il y a celles qui sont. Donc ils ont fait des choses qui sont de la mécréance. Donc il y aura des sectes qui font des choses, mais ce sont des choses de la mécréance. Et tandis qu'il y a des sectes qui sont touchées par des innovations. Donc bien sûr, il y a des degrés ici par rapport à cela. Et ils disent, qui est-elle? Sa'alu as-sahaba. Hum sa'alu al-najiya. Hatta ya'rifu ayn al-haq. Ma sa'alu al-akharin. Sa'alu al-najiya. Hiya lati. Ils vont vraiment donc prêter attention à celle qui est quoi? Donc qui est sauvée. Quelle est celle-ci envoyée d'Allah? Nous savons où est la vérité. Faqal sallallahu alayhi wa sallam, ma ana alayhi wa ashabi. Celle que donc la religion dont moi je suis avec et avec mes compagnons. Faja'al an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa ma ashabihi ala al-haq. Wa hada ma'ruf. Huwa ma ashabihi ala al-haq, sah. فالذين جاءوا من بعد يغيرون بعض الأشياء فهذه التغيرات لا نريدها وأدخلوا يعني في الإسلام أشياء جديدة فهذه لا نريدها إلى آخره. Ils vont changer des choses, ils vont ramener des choses, ou bien ils vont enlever des choses, cela on n'en a pas besoin. لأنها ليست من الإسلام. On n'en veut pas. Parce qu'en vérité, ils ne font pas partie de l'islam. ما أنا عليه وأصحابي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يزكى هناك أصحابه رضي الله عليهم. Donc ici, il vante encore une fois les compagnons pour montrer qu'ils sont dans la vérité. Allah le fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait aussi. Wa fil hadith al-irbad, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Addu alayha bin nawajid wa iyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla bid'atin balala. Et dans le hadith qu'on a déjà vu auparavant, dans je pense le troisième chapitre, donc suivez ma sunna, alaykum hada amrun, c'est un ordre. Alaykum amrun, c'est un ordre. Et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-y les molaires. Nawajid. Yani mahal kuwa. Il y a de la force ici. Et attention aux nouvelles choses. Car chaque bid'a est égarement. Chaque innovation est égarement. Falaysa fil islam yani bid'a hasana. Kema yuqal. Laysa hunak fil islam bid'a hasana. Bidalil anna nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal kulla. فما قال نصف ولا جوز كل بدعة ضلالة النبي صلى الله عليه وسلم دي شاك innovation est également فالذين قسموا بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة هذا ليس بالصحيح. Ce n'est pas vrai de faire la différence de quoi, de diviser la بدعة en deux, celle qui est bonne et celle qui est mauvaise. لأن البدعة الاختلاع في الدين وبدعة ما قال الله وقال الرسول. Alors فهم الصحابة. Parce que l'islam, c'est ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit, avec la compagnon, le ferme des compagnons, ou à la ferme des salaf et salih, la compréhension des plus prédécesseurs. Amma alladina jaou wa jaddadou, jaou bi ashya man arifouha, fa'ayat laysat min al-islam. Tandis que ceux qui ramènent des choses qui ne sont pas des saints, même tout simplement, ne sont pas des saints. Et on appelle ça donc une bida. وعن عائشة قالت رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ومن هؤلاء الناس من المسلمين لأن غير المسلم لا يتبع القرآن فالناس من المسلمين يأخذون من القرآن ما يريدون وخاصة الآيات المتشابهات هي ليست من أم الكتاب بمعنى يعني الآيات المحكمات التي يرجع إليها الشخص في مسألة معينة هي واضحة فيتم بشيء الذي يحتمل ويتركون الواضح ويذهبون إلى المتشابه منه فمن قال الله عز وجل فالذين في قلوبهم زيغ عندهم شيء أصلا يعني قلوبهم ليست جيدة فيتبعون ما تشابه منه تركوا يعني هن أم الكتاب تركوا أم الكتاب والمحكمات الواضحات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم رواه البخاري ومسلم. Donc Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset. Celui qui a descendu vers toi le livre, et parmi ce livre des versets donc clairs, évidents, muhkamet, celles qui donc jugent sur les choses, ce sont elles les mères du livre, de manière usul, hein, ce sont en vérité donc les mères du livre, ce sont donc les mères du livre dans le sens, ce sont les versets à partir desquels il faut revenir pour les règles, pour la religion, et d'autres qui sont mutashabihat, qui sont ambigus, qui prêtent en vérité à interprétation. Ce sont des versets où on pourrait comprendre ceci ou cela. D'accord ? Donc, mutashabihat. On peut comprendre des fois, tahtamil ashia. On peut comprendre des choses. Mais ceux qui ont, donc, zair, ceux qui ont en vérité une déviance dans leur cœur, ils suivent ce qui a été donc mutashabih minhu. C'est donc le verset qui porterait à interprétation. حتى يصلوا إلى ما يريدون فقط. Afin qu'ils arrivent à ce qu'ils veulent. فتركوا الأصل وذهبوا إلى المتشابه. فقالت عائشة دير رضي الله عنها. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: إذا رأيتم من من المسلمين يعني لا من المسلمين ليس يعني أناس آخرين. إذا رأيتم الذين يتبعون. Si vous voyez donc des gens qui suivent les versets qui sont متشابه, donc ce sont eux dont Allah عز وجل a mentionné. Ce sont eux qui ont été mentionnés par Allah. Donc faites attention à eux. فَحْذَرُوهُمْ هَذَا قَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَى رَوَهُ بَنْ الْبُخَرِي وَالْمَنْ مُسْلِمْ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمْ فَهُوَ يَتَكَلَّمْ بِحَقِّ قَدْ يَتِي بِأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِحَقِّ فَعَلَى الْمُسْلِمُ الْحَذَرْ يعني دينه جنته والذي يصله إلى الجنة فينتبه فيكون يعني بانتباه نعم parce que sa religion c'est elle qui va l'amener بإذن الله عز وجل au paradis. Et sa mauvaise religion, elle sait très bien que donc, elle va lui amener beaucoup de péchés et ce qui peut lui arriver. Donc la personne, elle doit être en vérité, elle doit prêter attention. Elle doit faire attention à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qal al-khawarij sharul khalq inda Allah intalaqu ila ayati nuzilat fil kuffar faja'aluha fil mu'minin. Wa ta'rifun yani firqat al-khawarij alladhina yaqtulun al-muslimin kama hasala fil jazair كما حصل يحصل في بلدان أخرى يذهبون يدعون مثلا قنبلة في وسط سوق مؤمن مسلم أو مسلمون فيقتلونهم وهكذا باسم الجهاد هذا ليس بالجهاد لأنهم يقتلون المسلمين هم خوارج هم الذين قتلوا علي هم الذين يعني قتلوا عثمان وفعلوا في تاريخ الإسلام فقال عبد الله بن عمر الخوارج الذين أولا يخرجون على الأئمة وثانيا يخرجون عن الجماعة. Donc ce sont les Khawarij parce qu'ils sont sortis, ils sortent contre eux. Les gouverneurs et aussi ils sont sortis en vérité du groupe. Ils sont plus du groupe. شر الخلق عند الله. Ce sont les pires des hommes de la création auprès d'Allah. شر الناس يعني. ولو قال بأنهم مسلم ومؤمن ما يريد. انطلقوا الى ايات انزلت في الكفار. Donc ils ont pris les versets qui ont été descendus sur les kuffars. فجعلوها على المؤمنين. Ils les ont descendus chez les croyants. Hein? Enfin, ils ont descendu donc chez les croyants. وقال الامام الاوزعي رحمه الله اثبت نفسك على سنه وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف بما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم. Donc l'imam al-Awza'i rahmallah dit, yani isbir ala nafsaka ala sunna. La sunna laysat bi sahla. Bima'na kam min an-nas al-an yunkirun al-sunna. Wa hum muslimun. Fa idha atayta bi sunan fi as-salat aw atayta bi sunan fi al-hajj wa atayta bi sunan fi mathalan as-siyam fa la yastaghribun. لأنهم لماذا لا يستغربون يقولون هذا الدين جديد. لا, نحن نقول هل أنت قرأت يعني الأدلة على ذلك مثلا في الصلاة وفي السنة يعني في الحج وفي زكاة وفي أمور أخرى أو لا؟ هل أنت يعني تجلس عند الأئمة في المساجد وتتعلم الدين أو لا حتى تعرف أنه من الدين أو لا؟ من يستطيع أن يعرف بأن هذا من الدين أو لا؟ إنما الذين يعني درسوا. جاء إمام وقال لإمام آخر يعني ما أعرف هذا الحديث, فقال الإمام كم تحفظ من السنة؟ قال نصف, ها يعني مئة ألف يعني مئة ألف من الأحاديث. فقال اجعل على الحديث في النصف الذي لا تحفظه فقط. فهكذا قد نأتي بأمور يخفى على الناس أنها من السنة والناس ينكرون ذلك لأنهم ما يعرفونها, والله إنها من السنة. كم حصل حتى في وقت عبد الله بن مسعود لما أذن, جاب الأذان وقت المطار, قال ألا صلوا في رحالكم في الأذان, صلوا في بيوتكم لأن نزل المطار, هذه السنة. فالناس استغربوا تعجبوا ينظرون إلى عبد الله بن مسعود, ف قال يعني بمعنى قولي كأنكم تنكرون علي هذا الفعل, وهو عبد الله بن مسعود من أفضل الصحابة. فقال رأيته أفضل مني فعل ذلك, يقصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يوجد هناك بعض السنن نحن تخفى, هذه السنن تخفى علينا, سي نورمال لأننا لسنا من الحفاظ في دين الله عز وجل فقط. دونك اصبر نفسك على السنة, دونك باسيونت en vérité. Donc patiente dans la sunna, parce que comme j'ai dit, donc j'ai expliqué que des fois il y a des choses, des sunnahs qui ne sont pas connues chez les gens. Il y a beaucoup de sunnahs, que ce soit dans la prière, dans le hajj, dans le jeûne, dans d'autres actes encore. Et les gens, quand ils les voient, donc ils connaissent pas, ça les repousse un peu. Ils vont dénigrer peut-être cela. Mais en réalité, alhamdoulilah, elles font partie des sunnahs. Non, elles font partie des sunnahs. Donc il vaut mieux en réalité, pourquoi les gens des fois dénigrent? Parce qu'ils n'ont pas eu la science suffisante, car ils ne sont peut-être pas suffisamment dans les assises. Ils ne lisent pas. Ou il y a ces choses-là. Ils ne sont pas habitués chez la masse des Amat al-Nas. Ya'rafu anna Amat al-Nas laysa dalil 'ala al-haq. Il faut savoir que la majorité des gens, ce n'est pas une preuve que cela montre la vérité. Ce n'est pas une question du nombre ou du chiffre. Enfin, un imam, un grand imam, qui dit à un autre imam, je ne connais pas ce hadith. L'autre imam lui dit, combien tu as appris de la sunna? Il dit, la moitié. Vous savez ce que ça veut dire la moitié de la sunna? Donc c'est des centaines de milliers de hadiths. Je ne sais pas combien, c'est un chiffre énorme. Énorme, énorme. Et il lui dit, donc considère ce hadith-là dans la moitié que tu ne connais pas. Tout simplement. Donc il a donné une réponse qui est suffisante. Et Abdallah ibn Mas'ud, la même chose. Je veux dire, il a fait la dan. Donc c'est un compagnon, il est vivant. Qui est-ce qu'ils sont à côté de lui? Ce sont les tabi'in, parce que lui il est vivant. Et il a dit lorsqu'il a fait la dan, priez chez vous, salou fi buyutikum, yani fi rihalikum. Priez fi rihal, salou fi rihal. Priez donc dans vos demeures. Et les gens le regardent, ils ne connaissent pas cette parole-là, ils ne sont pas habitués. Et il leur dit, j'ai l'impression que vous dénigrez cela, que vous, en vérité, repoussez cela. Et il lui dit, Serge, j'ai vu Donc, hein, j'ai vu, entendu, donc celui qui est meilleur que moi, c'est-à-dire, il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire cela. وَكَذَلِكَ مُعَاوِيَا. Donc, ça, c'est des parenthèses qui viennent de moi, qui ne sont pas du livre. Hein? La parole de l'imam, la parole de Abdallah ibn Mas'ud, et la troisième parole que je vais donner, de Muawiya. Muawiya, lorsque huwa yata'ala al-minbar, hein, imam, khatib al-jum'a, wal mu'adhdhin yaqul ashhadu an la ilaha illallah, wa huwa yaf'al kadhalika wa yaqul wa ana ashhad. Fana istagrabu. Donc il dit, moi aussi j'atteste, moi aussi j'atteste. Donc les gens, ils ont été étonnés. Les gens sont étonnés parce qu'il n'a pas dit ashhadu an la ilaha illallah. Il lève le doigt et dit wa ana ashhad. Et moi je fais donc moi. فقال لهم بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. Et il leur a dit parce que j'ai vu Muawiya al-Sahabi al-Jalil. Il a dit j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire cela. قد يكون بعد الأشياء يعني خافية على كثير من الناس وهي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est arrivé qu'il y a des choses qui ne sont pas connues chez la majorité des gens et pourtant elles font partie des sunnah, la sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم. فهي تسمى السنن المهجورة. إن المتروكة سنن الذي يعني لا تعرف إلا عند قليل من الناس. Il y a des sunnah comme ça qui ne sont connues chez très peu de gens. فقبل أن نتأكد بأن قبل أن نتكلم نتأكد هل هذا من الدين أو لا. هكذا. Avant de parler, il vaut mieux en vérité se référer et vérifier est-ce que cela fait partie de la religion ou pas. Donc وقف حيث وقف القوم. Donc il a commencé par la sunna, il m'a Auza'i, et après il dit et arrête-toi où le peuple s'est arrêté. Yaqsudu as-sahaba. Elle a dit qu'elle qablahu. Arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Fais ce qu'ils ont fait en vérité. Là ils ont été, tu le fais, c'est dans la religion. Ce qu'ils font, ils font. Ce qu'ils ne font pas, tu ne fais pas. Qif haythu waqafa al-qawm. Wa qul bima qalu. Et dis ce qu'ils ont dit. Wa kaf, hein, kaffa yani kaffa bima kafu anhu. Arrête-toi, ou bien en vérité, délaisse ce qu'ils ont délaissé. Wasluk sabilaka salafaka salih. Et suis le chemin de tes pieux prédécesseurs. Car il t'est permis ce qui leur a été permis. Hein? Donc il t'est permis en vérité ce qui leur a été permis. Wasaaka. Ce qui t'a été élargi, ce qui leur a été élargi, il t'a été élargi. Ce qui leur a été permis, t'a été permis. Donc arrête-toi en vérité à ce qu'ils ont fait. Fa inna salaf kanu a'dam uqula. وأكثر فهما وأحد إذهانا وألطف إدراكا كما قال عبد الله ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا قوم اختراهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Donc les plus prédécesseurs, ce sont ceux qui ont la plus grande raison. Adam Aqul, les raisons, la meilleure raison, hein, les plus nobles, et la meilleure akthar fuhum, ceux qui comprennent le plus. Et aussi dhihn. Donc ils avaient le dhihn, cette intelligence, hein, qui était en vérité quoi, et cette capacité de mémoriser tout, donc qui était plus had, dans le sens elle était, hein, elle est plus fine, elle est plus raffinée, elle est plus fine, donc elle est plus juste. Vous voyez, c'est pointilleux, c'est précis. Wa altaf idraka. Et aussi ils comprennent mieux les choses. L'autre, quand on dit Al-Latif, c'est celui en vérité qui comprend très très bien les choses. Hein? Abdel-Latif, Al-Razali, donc Wal-Khabir, Al-Latif. Il sait, mais il sait en plus parfaitement les choses avec Al-Latif. C'est pas ça qu'il y a Al-Latif, c'est Al-Taf. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est encore. Comme donc ça ressemble un peu à ce qu'il y avait avant, donc c'est l'Idrak, leur compréhension totale d'un sujet, elle est en vérité, elle est quoi? Elle est précise. Hein? Elle est accrue, elle est forte. C'est une grande précision. Et Abdallah ibn Mas'ud dit, radiallahu anhu, celui qui veut y prendre donc un exemple, donc celui qui veut prendre une guidée, une voie, qu'il prenne la voie donc de celui qui est mort Car le vivant, nous ne pouvons pas nous assurer de quoi? Donc d'une turpitude de sa part. Quand nous pouvons chercher yani, yassiluna ila al-halak. Yassulman, oulaika ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les compagnons de Muhammad, les plus pieux, donc les cœurs les plus pieux, les plus obéissants de cette communauté, ceux qui ont la science la plus profonde, et ceux qui ne se fatiguent pas à comprendre les choses. Ils l'ont compris comme il le faut, ils n'inventent pas. Ils vont parler beaucoup pour éloigner les gens et ramener en vérité donc un faux résultat ou un résultat très dangereux. Un peuple dont Allah a choisi pour qu'il soit compagnon de leur envoyé, de l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, hein, et afin de mettre en pratique et de mettre sur place sa religion. Donc reconnaissez-leur leurs droits, reconnaissez leurs droits, et accrochez-vous à leur voie, car ils étaient dans la voie droite. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Ils étaient dans la voie droite. وَهَذَا نَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَائِمًا وَأَبَدًا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. يعني صِرَاطَ الصَّحَابَةِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين أبو بكر الصديق والشهداء عمر عثمان والصالحين الباقين من الصحابة والسلف الصالح. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير قرون هذه الأمة القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il y a beaucoup de preuves de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les meilleures générations de cette communauté, yani Ummat al-Islam, c'est la génération où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Et puis ceux qui viennent après. Wa a'dam al-fada'il fadilatul 'ilm wal iman. Pourquoi ils étaient les meilleurs? Bi imanihim wa 'ilmihim. Ils étaient les meilleurs par leur science et là, cette suprématie est par la foi. Fahum a'lamul umma bi ittifaqi ulama al umma. Ce sont ceux qui connaissent, donc ce sont les plus savants de cette communauté, et il y a un consensus chez tous les savants. Jam' al a'imma yaqulun bi anna as-sahaba yani a'lamun nas. Ça, c'est tout le monde le dit chez les imams, chez les ulama de cette communauté. ولم يدعو ها يعني الطرق المبتدعه المذمومه عجزا عنها بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز على كشف الامور اقوى بالخير لو كان في تلك الامور احرى. Et ils n'ont jamais appelé aux voies innovées qui sont donc dénigrées parce qu'ils n'en étaient pas capables. Mais tout simplement, ils étaient, comme le dit Omar ibn Abdelaziz, ce sont les plus forts pour remarquer les choses, pour découvrir les choses. Et dans le bien, hein, c'était donc Wabil Khel aussi dans les biens. Donc et si ces choses-là elles étaient bien, ils l'auraient su avant vous. Bimana, Lokanet Adil Omor, Alletitatuna Biha, El Jadida Hadi, Lokanet Jiyida, La Fa'aluha Kablakum, Fakat. Fahadi Qaida, c'est une règle. Que si c'était un bien, crois-moi que avant toi il l'aurait fait. Et sinon ils l'ont pas fait, c'est parce que c'est pas un bien. Fama tati biché, wa taqul hada jayid, wa atayta hada min indik. Là, ittabi', suis qui? Donc le Coran et la Sunna à la fin des salaf. Hada fima infaradu bihi anna. Amma المدارك التي شاركناهم فيها من الدلالة أو من الدلالة الألفاظ والقصيدة الأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما يوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعه العلم وسهوله الاخذ وحسن الادراك وسرعته وقله المعارض او عدمه وحسن الصدق والتقوى رب تعالى. فالعربية يعني طبيعتهم، العربية يعني طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول والأوضاع الأصوليين، بل قد عنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسول كذا، والثاني معناه كذا وكذا. Donc ici il explique. Donc ils ont été différents de nous. Ils sont donc dissociés à nous par rapport à cela. Et donc ce qui est venu, donc on est associé par rapport à eux. Par rapport à quoi? Par rapport aux textes. Les textes qu'ils ont vus, ce sont les mêmes textes que nous, que l'on voit aussi. Mais simplement, eux, c'est clair qu'ils avaient les cœurs les plus obéissants, la science la plus profonde. Ils n'avaient pas besoin de temps de recherche pour comprendre. Hein, tout ça, c'est-à-dire de se fatiguer ou quoi. Et il est clair qu'ils vont se rapprocher plus, donc ils vont plus avoir plutôt, ils vont plutôt plus avoir la réussite que nous dans les choses. Hein? Car Allah Azza wa Jalla les a spécifiés, donc ils ont été en vérité spécifiés, choisis pour cela, parce qu'ils ont justement donc cette intelligence, aussi cette langue, hein? Donc le fasaha, ils ont en vérité la langue arabe, ils la comprennent bien, ils ont une science qui est large, et ils ont une facilité à apprendre les choses et aussi à englober les choses, à comprendre les choses de façon rapide, hein? Et ils n'avaient pas aussi donc d'éléments qui les gênaient, le ma'arid, hein, comme nous maintenant, on peut trouver dans un sujet donc plein de sectes qui vont dire ceci, qui vont dire cela, et pour le nouveau il est perdu, il ne sait plus qui est-ce qui est dans la vérité, qu'est-ce qui n'est pas, parce que lui il arrive avec des ma'arid, c'est ça le ma'arid, il est perdu. Eux ils n'ont pas eu ça, ils avaient une union, donc c'est plus facile pour eux d'arriver, parce qu'automatiquement ils se retrouvent à la vérité. Et aussi la niya, ils avaient aussi la bonne intention, ils avaient l'intention qui était sincère, et ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc aussi la langue arabe, bien sûr, c'est leur saine nature, et c'est aussi donc la voie qu'ils prennent, et ils comprenaient l'essence, donc l'essence, ils étaient en vérité forts chez eux, hein, dans leur saine nature et dans leur raisonnement, ils comprenaient bien l'Allah, lorsque hein, ils ont compris directement ce que voulait dire l'Allah, donc c'était rapide pour eux. Donc ils n'avaient pas besoin de regarder après comme nous on a besoin maintenant, allez isnad. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان لازم نبحث هل هذا الحديث صحيح او لا صح يعني بالاسناد avec la chaîne de transmission on doit savoir si c'est vrai ou pas. Eux ils n'avaient pas besoin de ça, hein? Et aussi savoir donc qui sont les rapporteurs du hadith, quelles sont donc les situations des rapporteurs du hadith, sont-ils fiables, ne sont-ils pas fiables, il a khidihi. Donc ils n'avaient pas besoin de rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle el jahwa ta'adil, donc ici l'éloge ou le fait de dénigrer el jah, et le fait de faire des erreurs sur quelqu'un ou non, hein, mais plutôt ou de regarder aussi dans les règles de base, le qawaid usuliya, hein, il a khiri, donc tout ce qui a été placé par l'usuliyun plus tard. Mais tout simplement eux ils faisaient ça de deux choses. Awalan kanu ya'khudun qala Allah qala Rasul, Allah a dit, le prophète a dit, wa thaniyan ma'nahu kada wa kada, le sens faqat. Idan hada alladhi nahnu nahtaj قال الله قال الرسول والمعنى. C'est ça qu'on a besoin. Et maintenant on a besoin d'autres règles, dans le sens qu'on utilise les règles. On a besoin de ces règles qui nous amènent à ça, de savoir. Les règles, ce sont en vérité des règles. Ce sont ce qu'on appelle des ala, ilmul ala. Ce sont en vérité des sciences utiles pour pouvoir arriver où est le vrai du faux, pour pouvoir arriver à certaines compréhensions. Et donc il faut revenir en vérité à la compréhension. قال الله قال الرسول et le معنى comme ici. Alors en vérité, ma'anahu kada wa kada, ça veut dire quoi? À la fin, salaf. En vérité, c'est ça que ça veut dire. Il reste combien de temps? Wahum. Ashadun nasi بهاتين المتقدمين وأحظى الأمة بهما يعني فقواهم يعني متوفرة مجتمعة عليهما وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة فالعربية يعني توابعها قد أخذت من قوة أذهانهم شعبة والأصول يعني وقواعدها قد أخذت منها شعبة وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة وفكرهم في كلام مصنفهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة إلى غير ذلك من الأمور فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية فإن كان لهم همة يعني همم تسافر إليها ووصلوا إليها يعني بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها وأوهن قواهم مواصلة السر في سواها يعني كما قال يعني ابن القيم رحمه الله في إعلام المواقعين donc ici hein, donc ça peut être après donc un passage qui est quand même assez difficile ce qu'en vérité donc les gens les plus heureux de ces deux points là qu'on a vu auparavant donc bien sûr les compagnons ce sont eux qui vont avoir la plus grande part de Qala Allah Qala Rasul c'est eux parce qu'ils n'avaient que ça il explique pourquoi il dit parce que leur force donc elle était donc rassemblée dans ça c'est à dire tout le temps que tu passes toute l'énergie que tu vas donner tout cela toute leur force donc ils ne seront que dans Qala Allah Qala Rasul elles sont rassemblées dans ça mais ceux qui sont venus après eux leur force elle est divisée ils ont besoin donc leur maintenant les gens de maintenant les savants de maintenant Mathalène ils ont besoin donc de diviser tout ça. Ça veut dire que, dans le sens, il y a plusieurs sciences qui sont venues après. Donc ça va prendre plus de temps. Vous comprenez? Donc automatiquement, la force, elle va se diviser, elle va se décomposer. Elle va une partie par là, une partie par là. Et ça, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit ça. Donc, c'était clair avant. Donc, la langue arabe, pour ceux qui ont. Hein, donc, ils ont besoin de temps pour bien connaître la langue arabe. Tandis que eux, c'était normal à l'origine. Donc, ça perd du temps. Ça perd de la force. Après aussi, les règles. On soulève le travail, donc les règles à apprendre. Ainsi que la chaîne de transmission et les situations des rouates, de ceux qui ont transmis ces hadiths. Hein, donc ça prend encore une partie. Et aussi, donc par rapport leur réflexion sur les paroles de ceux qui ont écrit ces livres, l'akhiri, de réfléchir sur cela, de comprendre, et aussi de ce que les chouyours disent. Hein. Donc des fois, il y a beaucoup de chouyours. Et tout ce qu'ils ont voulu par rapport à ça, ça prend encore une partie. Et autre encore. Donc, lorsqu'ils arrivent avec tout ça, avec les règles, les récits prophétiques, nous, sous Nabawiya, donc en vérité, ils ont dû voyager dans toutes ces sciences avant d'arriver à ces textes-là. Hein, et ils se sont en vérité, donc, quelque part fatigués. Il y a une certaine fatigue. Quelle lettre pour arriver à. C'est-à-dire parce qu'ils ont utilisé des forces, des énergies, en comprenant ça, et avant d'arriver à cela. Mais les compagnons, ils n'avaient pas besoin de ça. Donc ça allait plus vite, donc automatiquement on comprend mieux parce que c'est plus rapide pour arriver au texte. Hein? Comme le dit donc Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Donc c'est Ilam al-Muwaqqi'in et on sait bien sûr donc c'est un passage qui est difficile, mais pour respecter le texte, donc je l'ai lu. Mais c'est quand même un passage qui est quand même donc réfléchi, donc difficile plutôt. Et là maintenant on va arriver donc à ce que Shir a expliqué donc al-Fawzan hafzallah azza wa jalla. Donc là on avait El Metten qui était fait par Cheikh Al-Ubaylan. Et l'explication, donc El Metten, donc le texte ici, c'est Cheikh Al-Ubaylan, et Cheikh Fawzan vient faire le charge de ce texte-là. Hafdullah. Wahada fil hathi ala ittiba' al-manhaj al-salaf. Cela c'est pour appuyer en vérité à suivre, donc c'est pour pousser les gens à suivre le chemin des pieux prédécesseurs. Ba'd ittiba' al-kitab wa sunnah. Après avoir suivi donc le livre et la sunnah. كذلك يتبع منهج السلف الصالح. Et aussi, il va suivre. Tu suis le Coran, tu suis la Sunna, et après, tu suis aussi quoi, la voie des plus prédécesseurs. الذين في مقدمتهم المهاجرون والأنصار. Et en premier lieu de ces plus prédécesseurs, ce sont المهاجرون, les compagnons de Mecca, والأنصار, les compagnons de Médine. وفي مقدمة المهاجرين الخلفاء الراشدون. Et dans le Muhajirun, aussi la même chose, en devant, on mettra donc Al-Khulafa Rashidun, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum. Ce sont eux. وفي مقدمة وقرة تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc Allah Azza wa Jalla, il montre comment ils sont. Donc les premiers parmi Sabiqun, ceux qui ont devancé les premiers parmi les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah agréé d'eux, ils ont agréé de lui, et Allah leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils vont y demeurer éternellement. Voici donc en vérité la grande réussite, El Fawz, El Ardin. الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا منهج المهاجرين والأنصار لماذا؟ Et ceux qui suivent à la perfection, ils suivent donc المهاجرين والأنصار. Pourquoi؟ لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة. Car ils ont suivi le Coran et la Sunna. لأن المهاجرين والأنصار اتبعوا الكتاب والسنة. Tout simplement parce que المهاجرين والأنصار اتبعوا الكتاب والسنة. Car ils ont suivi le Coran et la Sunna. Donc ils ont le droit à ce paradis. Et ceux qui les suivent font la même chose. يقلدون في ذلك ويقلدون في ذلك. Nous, on les imite dans cela. فاتباعهم إنما هو من أجل أنهم وافقون للكتاب والسنة. Et nous, on les suit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont été en conformité avec le Kitab et la Sunna. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc dit: vous devez suivre ma sunna ainsi que la sunna des khulafa rachidin bien guidée donc après moi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fil firqati an-najiya hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Man al-firqa an-najiya? Quelle est la voie sauvée? Al-firqa an-najiya fa qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm. Yani fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi. Hakada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui est cette voie qui est sauvée? Hein? Donc ce groupe sauvé, ce sont donc ceux qui étaient donc ceux qui font ce que je fais à ce jour, ainsi que mes compagnons. Wa dhakara ashabahu radhiyallahu anhum. Et il mentionne ses compagnons radhiyallahu anhum. Li'annahum 'ala manhaj mustaqim, car ils étaient dans une voie droite. Wa hum afhamu minna. Et ils comprennent mieux que nous. Wa al-aqrab minna ila ma'rifati al-kitab wa as-sunnah. Ils sont plus proches de nous pour comprendre justement ce livre, le Coran et la Sunna. Les annahum talaqqa'u al-'ilm 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont pris directement cette science de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa jahadu ma'ahu. Et ils ont fait les efforts avec lui, ils ont fait la jihad avec. Wa shahadu at-tanzil. Et ils ont été témoins, hum shuhada. Bi nuzul al-Quran. Ils sont témoins du tanzil, de la révélation, de la descente de la révélation. Wa arafu at-ta'wil. Ils ont connu la compréhension. Wa arafu at-ta'wil. Il y en a la compréhension, je veux dire donc le sens, l'explication. Fahum a'lamu min yani. Fahum a'lamu minna, ils sont plus de sens que nous. Wa aqrabu ila al-haqq was-sawab fi al-jumla. Et de façon générale, ils sont plus proches que nous, de nous donc de la vérité et de la réussite. Wa in kanat al-usma laysat li kulli wahid minhum. Alors qu'on sait que personne d'entre eux donc n'est infaillible. Parce que c'est l'isma, c'est que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent se tromper. Voilà qu'il y a l'isma li jami'ihim. Mais tous comme ils sont, il n'y a pas d'erreur. S'ils sont tous unis sur un truc, ça veut dire que c'est le haq. L'anna la tajtami'u ummati 'ala dalal. Parce que ma communauté ne se rassemblera jamais dans un égarement. لازم جميع الضلالات جميع يعني الامور الخطيره والبدع لازم يكون اقل شيء شخص الذي ينفيها. Donc tout ce qui est faux de l'islam, il y a obligé minimum une personne ou un groupe de personnes, alhamdulillah, qui va en vérité rejeter cela. Mais il n'y aura jamais un consensus dans une erreur, ça n'existe pas dans l'islam. Alhamdulillah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله عزني تكفل بحفظ هذا الدين. Et la religion, justement, c'est porté garant de protéger cette religion par ces billets-là, par justement ces moyens-là, le ilm. وإن كانت العصمة ليست لكل واحد منهم ولكن العصمة donc on a vu ça. ولو أخطأ بعضهم, même si certains d'entre eux auraient fait des erreurs. font des erreurs. فَإِنَّهُ عَنْ إِجْتِهَادٍ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ وَمُثَابٌ عَلَيْهِ وَلَوْ أَخْطَأَ لَهُ أَجْرٌ. Et lui, si donc il viendrait par exemple à faire une erreur après effort d'interprétation ou quoi, إِجْتِهَاد, il est récompensé pour cela. Il aura des hasanats pour cela, malgré qu'il a fait l'erreur. لأنه نيته الوصول إلى القصد إلى ماذا إلى الحق. Parce que eux, ils ont la bonne intention, ils ont le ilm, premièrement, ils ont le droit, et ils ont la bonne intention, c'est de ramener les gens vers la vérité. Ce n'était pas d'égarer les gens. Voilà. يُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ وَمَكَانَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ. Et cela ne va diminuer à quoi que ce soit, en vérité, donc sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il reste maintenant ici. Hein? Il reste deux minutes. مَا أَنَّ خَطَأَهُمْ قَلِيلٌ. الحمد لله ils ont peu d'erreurs. خطأهم قليل. والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون المفضلة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم donc a vanté donc les générations qui sont bien, les meilleures générations. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et il dit les meilleurs des gens ce sont ceux de ma génération et puis ceux qui les suivent et puis ceux qui les suivent. وقال الراوي لا أدري ذكر بعد يعني قرنه قرنين أو ثلاثة. Donc c'est le Gharawi, donc celui qui a rapporté le hadith, il dit je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa génération il a mentionné deux ou bien trois générations. وأن لا يدري يعني وهم من عنده. ثم ذكر بعد ذلك حدوث الفتن. Et après il mentionne qu'après cela c'est qu'il y a une fitan. لأن الناس كانوا مجتمعين فلما تفرقوا واحد يتكلم في القدر والخوارج والشيعة والقدرية و فيعني اختلفوا فواحد يضلل الآخر وواحد يكفر الآخر إلى يكفر الآخر حتى يعني حسب هذه الفتن عند المسلمين فتن يعني في افتراق في دين الله عز وجل. فلما حدث هذه الفتن حدوث يعني المخالفات أمر عند ذلك باتباع الكتاب والسنة فقال من يعيش منكم فسيأتي اختلافا كثيرا فجاء بالعلاج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو العلاج. Après cela, une fois qu'il a montré donc sallallahu alayhi wa sallam donc que les gens se divisent, les sectes ont commencé à se multiplier et que les gens se divisaient, il nous a montré comment on va être se protéger de cela. Fa il nous a demandé de revenir au Coran et de revenir à la sunna. Donc il a dit celui qui va vers après vous verra beaucoup d'irtilef, beaucoup de divergences. Donc vous devez obligatoirement revenir à ma sunna, donc suivre ma sunna et la sunna des khulafa rachidin. Il y a ni les compagnons du prophète, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Sahaba, Tana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, Naktafil An, ou Inch'Allah, on va reprendre après, Inch'Allah. Parce qu'on n'a pas terminé par rapport au chapitre de Shir, donc il reste au moins deux pages. On va terminer, Inch'Allah, donc juste après ça. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقتني دونك والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله مع وجود الاختلاف وتفرق فإن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك باتباع الكتاب والسنة فيما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه إلى يوم القيامة فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. الله سبحانه وتعالى dit si vous êtes en quelconque divergence ou en divergence sur quelque point, sur quelconque point, n'importe quel point, donc remettez-le à Allah et à son envoyé. Donc avec la divergence, donc l'existence de la divergence et la division, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le Coran et la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aussi la même chose, de suivre le Coran et la Sunna, là où les gens sont en division, en divergence, jusqu'au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous ai laissé donc ce dont, si vous vous accrochez là-dessus, jamais vous allez vous perdre, jamais vous allez vous égarer, jamais vous allez vous égarer. Le livre d'Allah et ma sunna. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة بقاء الكتاب محفوظا لم يغير ولم يبدل منه شيء وبقاء السنة النبوية محفوظة ومدونة في دواوين الموثوقة هذا من لطف الله بهذه الأمة حيث أبقى لها ما يعصمها من الضلال إذا تمسكت به. Donc ceci fait partie de la miséricorde d'Allah envers cette communauté. Donc nous sommes toujours bien sûr avec la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Azza wa Jal. Avec le fait qu'il y a toujours donc Al-Baqa, il y a toujours donc le livre protégé, qui n'a pas été changé. Hein, il n'y a pas de tarir. On n'a pas enlevé des choses, on n'a pas changé les choses. Et on n'a rien changé dans le Coran, il est resté pareil. Et aussi, donc toujours la sunna qui est là aussi, de la même façon, qui est protégée dans Dawawin, donc dans les livres, Al-Bukhari, Muslim, et d'autres encore. Et ça, c'est donc, en vérité, une douceur d'Allah Azza wa Jal pour nous, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. حَيْثُ أَبْقَى لَهَا مَا يَعْصِمُهَا مِنَ الضَّلَالِ. Car il nous a laissé ce qui va nous protéger de l'égarement, tant que nous y restions, comment ? Donc attaché, celui qui s'attache à ce Coran, celui qui s'attache à cette sunna, il reste donc protégé. وحدث في هذا الزمن جماعات تريد فصل المسلمين عن سلفهم وينكرون السلفية وينكرون اتباع السلف ويطالبون بالمعاصرة يسمونهم المسلم المعاصر أو يسمونه المسلم المعاصر والعصرنا يريدون قطع الصلة بين السلف والخلف من أجل ماذا؟ من أجل أن يضل الناس عن صلاة الله عز وجل. Il y a maintenant des gens actuellement ou des groupes de gens qui veulent en vérité donc couper les liens entre les musulmans et leurs pieux prédécesseurs. Ils renient donc ce nom salaf. Le fait de qu'il y aurait donc il renie ce nom-là, cette appartenance à Salafia. Il renie le fait de suivre les plus prédécesseurs. Il demande donc chose de nouveau, Al-Mu'asara, dans le sens où ils veulent donc que les gens soient à la page, les gens vivent à leur époque, comme ils disent. Donc ils appellent ça comme ça, le musulman qui est donc contemporain. Hein, le fait d'être allé dans l'époque. Ils veulent en vérité couper le lien entre les plus prédécesseurs et ceux qui sont venus après. Pourquoi ? En vérité, pour égarer les gens de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. متحذرقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة ويحذرون من اتباع السلف. Donc on va les voir. Hein, comme ils sont, leur chef. Donc, ils disent aux gens suivez le Coran et la Sunna, mais pourtant ils ne disent pas de suivre les plus prédécesseurs. En vérité, ils veulent donc que ce soit eux qui vont expliquer c'est quoi le Coran et la Sunna. Donc, ils te disent suis le Coran, suis la Sunna, mais malgré ça, ils t'interdisent ou ils préviennent contre le fait de suivre les plus prédécesseurs. وَكَيْفَ لَنَا الْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ تَرْكِنَا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ. Comment on peut en vérité donc être accroché au livre et à la sunna et on a délaissé la voie des plus prédécesseurs? Kayf abina, comment on va faire? Alladina hum khairum min man ittaba'a al-kitaba was-sunna. On va délaisser les meilleurs qui ont compris le livre et la sunna, qui ont suivi le livre et la sunna. Wa fahima al-kitaba was-sunna, ceux qui ont mieux compris le livre et la sunna. Wa awsana Allah jalla wa ala wa awsana Rasul sallallahu alayhi wa sallam bi ittiba' manhaj. Alors qu'Allah nous recommande, nous ordonne, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre leur voie. Ida tarakna manhaj salaf fa kayfa lana bi fahm al-kitab wa sunnah. Comment il nous est possible de comprendre le Coran et la Sunna si on délaisse la voie des plus prédécesseurs? Fahadi fahada yani C'est en vérité, il désobéit à Allah et à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ils appellent à l'égarement. Ils veulent donc qu'il y a les liens sont coupés entre ceux qui sont venus après, le khalaf, c'est ceux qui sont venus après, et les plus prédécesseurs. وقد جاء في الحديث أنه من علامات الساعة أن يظهر من سبب من يصب السلف ويلعن آخر هذه الأمة أولها ومن علامات الساعة parmi les signes de la fin du monde c'est qu'on verra quoi donc parmi les musulmans des gens qui vont insulter les plus prédécesseurs يصبون السلف نعم الذي يقرأ في الكتب يعرف ذلك hein وقد يأتي هذا الشخص ويعتبر نفسه كأنه محدث il se permet de faire croire qu'ils sont les muhaddithin ulama وهم يسبون السلف كما يسبوا أبو هريرة مثلا ils ont insulté سبوا أبو هريرة ils ont insulté أبو هريرة le compagnon du prophète et d'autres تعانوا فيه donc et là donc parmi les signes c'est que ils insultent les plus prédécesseurs et les derniers les derniers des gens ils vont insulter les premiers yasubun as-salaf fala yani yab'ud an yakuna hada bidayatan lima sayahdith et c'est pas donc ce n'est pas loin de voir que là on est au début de ce qui va arriver donc parmi mimma akhbara bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc on a déjà les prémices on a déjà les premiers signes وليس لهم يعني شبه في ذلك إلا أنهم يقولون إن الأخذ بهدي السلف تقليد ونحن مأمورون بالكتاب والسنة ومنهيون عن التقليد فجاءوا بشبهة بكلام ليس بصحيح ils sont venus avec une parole ambiguë ils disent nous avons été ordonnés donc nous si on suit les plus prédécesseurs ça veut dire qu'on est des muqallidin on suit les gens tout simplement et on a été ordonné de suivre donc du livre de la sunna et on a interdit de suivre aveuglément voilà ce qu'ils disent naqulu lahum at-taqlidu laysa mazmuman 'ala al-itlaq raddu 'alayhim hada et on va leur répondre donc Cheikh leur répond hafdallah azza wa jal donc le fait de suivre quelqu'un le suivre ce n'est pas donc renié ou bien ce n'est pas dénigré de façon absolue فالتقليد في الحق واتباع أهل الحق مأمور به. Donc le fait de suivre quelqu'un dans la vérité et de suivre les gens de la vérité, ça c'est un ordre. Nous nous sommes ordonnés de le faire. On se doit de faire ça. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يونس يعني يوسف عفوا عليه السلام واتبعت ملة آباء يعني آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Donc il dit bien يونس يوسف عفوا يوسف j'ai suivi la voie de mes pères Ibrahim et Ishaq et Yaqub il a suivi qui les gens de la vérité Yusuf donc Yusuf il montre ici il annonce qu'il a suivi ceux qui étaient avant eux mais que ces gens là étaient dans la guidée والله جل وعلا إنما ذم اتباع الآباء والأجداد. Et pourtant on voit des fois dans le Coran qu'Allah عز وجل donc réprimande le fait de suivre les pères et les grands-pères. Hein? لأنهم على غير علم. De ceux qui n'ont pas d'علم. تبعا الذين ما عندهم علم. إذا كان أبوك أو جدك ما عنده علم فأنت لا تتبعه هكذا. أقصد في الدين الله عز وجل. إذا قال لك هذا وهذا في الدين أنت ابن. وهو يخطي فهذا خطأ. ولكن من الأب والجد. أنت تحبه توقره إلى آخره. Donc pourtant ici il montre bien que Allah عز وجل a réprimandé de suivre les parents et les grands-parents ceux qui n'ont pas de science. فقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أو ولا يهتدون. Ici Allah عز وجل le montre bien في البقرة سورة البقرة. Lorsqu'on leur a dit suivez ce que Allah a descendu ils ont dit certes nous suivons ce que nous avons reçu de la part de nos pères mais si seulement vos pères hein, si seulement leurs pères donc ne raisonnait pas, ne raisonnait en rien, il n'était pas guidé. C'est possible. Allah Azzal ici, pourquoi les a réprimandés? Parce que les parents ne connaissaient pas, ils n'étaient pas guidés. Ils ne raisonnent pas sur ça, ils ne connaissent pas ces choses-là. Fadalla bimafhumihi ala anna man sabaqana idha kanu ya'lamuna wa yafhamuna al-kitaba wa-sunnah fa innahum yuttaba'una fi dhalik. On comprend de cela que ceux qui sont venus avant nous, si ils connaissent et s'ils comprennent, ils comprennent le livre et la sunna, alors on les suit. Wa qala ta'ala wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Et Allah Azzawajal dit aussi, lorsqu'on leur dit donc suivez ce que Allah a descendu, ce qu'il a envoyé, suivez le voyer, donc il a l'envoyé. Suivez l'envoyé. Ils disent donc cela nous suffit en fait de ce qu'on a trouvé donc chez nos pères. Et si seulement leur père ne connaissait rien et n'était pas guidé. Fadalla ala anna alladhi ya'lamu huwa alladhi yuqtada bihi. Wa innama adh-dhamm ala man yattabi'u man la ya'lam. Donc c'est une preuve que celui qui connaît, on le suit. Donc on peut suivre, prendre en exemple donc celui qui a de la science. Et cette réprimande, elle est dans le fait de suivre en vérité celui qui n'a pas de science. Falay sa taqlidu mamnu'an bi itlaq. Donc le taqlid, le fait de suivre quelqu'un, ce n'est pas en vérité interdit de façon absolue. Wala ja'izan bi itlaq, et ce n'est pas permis aussi de façon absolue. Wa inna ma fi tafsil, et en vérité il y a ici donc explication. Fa man kana 'ala al-haqq fa innahu yattabi'u wa yuqallidu. Celui qui est en vérité, donc on peut le suivre, yuttaba ou yuqallad. Yuttaba ou yuqallad. On va le suivre et on va le prendre en exemple. Ma'ama ja'a fil kitab wa sunna min al-amri bi ittiba' as-salafi wal iqtida bihim. Avec bien sûr ce qu'il y a dans les livres de la sunna de suivre donc les pieux prédécesseurs et de les prendre en exemple. Wa man khalafa al-haqq fa innahu la yuttaba wa la yuqallad. Hada huwa al-fasl al-niza' fi hadhihi al-mas'ala. Et celui qui est en discorde avec la vérité, il ne sera pas suivi et on ne va pas le prendre en exemple. Voici donc l'explication par rapport justement au Niza, face au Niza. Donc maintenant par rapport à la divergence qu'il y a dans ce sujet. قال المصنف حفظ الله أحسن الله إليك يوجد مسائل كبيرة جدا لا يمكننا أن نفهمها إلا من خلال فهم الصحابة كخلافنا مع الفرق الأخرى في القدر ومرتكب الكبيرة والأسماء والصفات فإذا ضيع هذا المنهج صار لكل واحد أن يفهم القرآن فهما خاصا به. Donc Cheikh Al-Ubaylan, c'est le Moussanif Hafzullah, donc il dit, il pose la question à Cheikh Fawzan, il lui dit qu'Allah donc soit bon avec toi, envers toi. Il a dit beaucoup de sujets et qu'on ne peut pas les comprendre que par justement la compréhension des plus prédécesseurs, comme par exemple donc notre divergence avec les autres sectes au niveau du destin al-qadar. كيف نستطيع فهم القدر لازم نرجع الى الصحابه كعبد الله بن عمر يعني في حديث جبريل مثلا le destin revient automatiquement au compagnon عبد الله بن عمر dans le hadith جبريل le hadith الطويل اخبرني عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان ومرتكب الكبيرة et celui qui commet les grands péchés. Et donc là, رد على القدرية أو على الخوارج أو كذلك على المعتزلة والأسماء والصفات على الأشاعرة على الماتريدية على الجهمية على المعتزلة فإذا دوي هذا المنهج. Donc si on dit, donc ici on a besoin des compagnons pour comprendre ces sujets là du qadar, le sujet de celui qui a fait les grands péchés par rapport aux khawarij. Parce que يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر. Parce qu'ils disent que celui qui khawarij, qui dit qu'en vérité donc celui qui a commis les grands péchés est un kafir. يعني خالد مخلد في النار. Il va rester خالد مخلد في النار. Il va rester en enfer éternellement. وهذا ليس بصحيح. C'est pas vrai. لأن يعصى الله عز وجل مثلا. Et les noms, les attributs. Et si ce manhaj est délaissé, Donc automatiquement, chacun va comprendre le Coran à sa façon. Donc on a besoin des compagnons pour se protéger de ces sujets-là. فقال شيخ حفظ الله نعم نقول إنه لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا باتباع منهج السلف لا يمكن أن يأتي واحد في آخر الزمن ويلغي منهج السلف ويزعم أنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة هذا الضلال وهذا تفريق بين الأمة وقطع لصلات خلفها عن سلفها il dit bien sûr شيخ حفظ الله la réponse oui Nous disons qu'il n'est pas possible de comprendre le Coran et la Sunna que par la voie des pieux prédécesseurs. Et il n'est pas possible que quelqu'un vienne à la fin des temps et qu'il dise « Moi, je rends caduque, j'efface la voie des pieux prédécesseurs et il prétend suivre alors le Coran et la Sunna directement. Moi, je prends que du Coran et la Sunna direct. » Il dit ça. Ça, c'est un égarement. Car en vérité, il divise, il sépare en vérité entre la communauté. Et il va couper les liens entre ceux qui sont venus après et les plus prédécesseurs. Barakallahu fikum, subhanak Allahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.